France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale des pesticides avec notre invité, l'avocat François Lafaure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous défendez Paul François, mais aussi d'autres victimes des pesticides, parmi lesquelles Jean-Marie Dédion, dont nous avons abordé le cas dans le récit. Nous y reviendrons. On va commencer par Paul François, dont on a fait le personnage principal de ce récit, mais qui représente les autres, on a bien compris. Quand et comment l'avez-vous rencontré? C'était à la fin des années 2000. Donc il était venu au cabinet pour nous présenter son affaire et nous avons décidé ensemble de porter l'affaire devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, d'abord pour établir le lien entre la maladie et son accident et son travail. Et donc ce qu'on a obtenu après quelques péripéties judiciaires, on a obtenu gain de cause à la fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel de Bordeaux. Donc c'était une première étape qui était importante puisque nous avons obtenu la reconnaissance finalement de maladie professionnelle pour Paul François. Oui, parce que là, vous présentez effectivement les choses comme ayant abouti, en tout cas dans leur première étape, mais ça a été difficile quand même. Donc, je veux dire, quand il est venu vous voir, vous vous êtes dit, oui, je vais défendre cet homme-là, malgré les difficultés. C'était un oui immédiat. C'était un oui immédiat parce que d'abord il était accompagné d'un toxicologue, Henri Pézra, avec qui nous travaillons, qui est malheureusement décédé, mais qui était très très précis dans son analyse des dossiers, et donc nous avions confiance dans son analyse des dossiers. Et puis tout ce que nous présentait Paul François nous permettait de confirmer que on avait des chances de succès, donc nous avons décidé de l'accompagner dans son combat judiciaire, oui. Alors, il a lancé, Paul François, deux procédures, l'une contre la Mutuelle Agricole, l'autre contre Monsanto. On va commencer par le premier volet. Quelles sont les difficultés pour les paysans de faire reconnaître des maladies liées aux pesticides? En fait, pour faire reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, il faut que la maladie qu'on a contractée figure dans un tableau de maladies professionnelles. Donc, cette maladie-là ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc, après, il y a un long parcours du combattant. Il faut passer devant des comités d'experts, etc., qui sont souvent défavorables. Donc, ça nous amène à saisir les tribunaux. Il se trouve que la réponse judiciaire a été adaptée, puisque depuis que nous avons saisi les tribunaux dans la plupart des dossiers, dans 80% des dossiers, nous avons obtenu gain de cause. Donc il faut se féliciter de la réaction judiciaire, je dirais, sur la reconnaissance de maladies professionnelles. Mais en revanche, on s'est retrouvé confronté à l'obstruction, on peut parler d'obstruction, de la MSA, à différents niveaux. La MSA a souvent indiqué aux agriculteurs, ne contestez pas, vous n'y arriverez pas. La MSA a souvent fait en sorte de mal diriger les agriculteurs victimes des pesticides et a essayé de contester le bien fondé de nos demandes. Et lorsque nous obtenions gain de cause, eh bien la MSA a fixé des taux d'incapacité, donc fixer les séquelles, à des taux suffisamment bas pour ne pas avoir à indemniser les agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette étape de contestation de ces taux d'incapacité et nous gagnons régulièrement devant les tribunaux également. Alors comme son nom l'indique, MSA, Mutuelle Sociale Agricole, c'est ça. Hein, c'est donc une mutuelle avec des adhérents qui sont tous agriculteurs. Est-ce que ça pose pas un problème de dénoncer, les produits phytosanitaires dans la mesure où beaucoup d'agriculteurs en utilisent d'un point de vue de la profession? Ça passe mal peut-être. Il y a peut-être cette dimension-là, uniquement professionnelle. Oui, effectivement. Alors la parole s'est libérée durant ces années, ces dernières années, suite aux différents procès qui se sont tenus. Aujourd'hui, je crois que les agriculteurs n'ont pas peur de dire qu'ils ont été floués par les fabricants de pesticides, parce que les responsables, c'est bien entendu les premiers responsables, c'est pas la MSA, c'est les fabricants des pesticides. Donc aujourd'hui, eh bien les actions, on essaye de les diriger contre les fabricants des pesticides pour obtenir une indemnisation complémentaire et la reconnaissance de la responsabilité de ces fabricants. Alors, la procédure a été longue, on l'a vu. On va écouter Paul François une nouvelle fois, qui revenait au micro de Pascal Pascarello sur les pressions, c'est important, les pressions qu'il a pu subir pendant toute cette période. Les avocats de Monsanto font en sorte que je ne les oublie pas. C'est les procédures, dès que les avocats modifient dans leurs conclusions, dans leurs écritures, vous devez informer la partie adverse. Et moi, je ne fais pas attention et à un moment donné, ils en viennent à me les faire déposer par huissier. Donc si des fois, je les oubliais, boum, vous avez un huissier le matin à 8h là, qui vient vous déposer là 200 pages. Et boum, et quand vous lisez ces 200 pages, ces fabulations, c'est tout ça une machination. Ma femme est complice de tout ça, qu'on a voulu se faire une notoriété. Enfin, vous faites des cauchemars la nuit, vous réveillez. J'ai été sali, j'ai été calomnié, j'ai tout entendu. Et puis, moi, les médias m'invitaient, j'ai essayé de choisir. Alors, ah, on a vu ton père à la télé, ah, on l'a vu dans les journaux, ah, puis après, un peu plus sournois, ah, il veut se faire de l'argent, hein, puis il va être connu. Est-ce que, en tant qu'avocat, vous avez vous-même subi des pressions, François Laforgue? Non, aucune pression de mon côté, mais effectivement, Paul François, lui, a subi des pressions insidieuses, hein, mais un acharnement judiciaire d'abord, des multiplications de procédures, un étouffement financier, puisque les procédures se sont multipliées avec l'obligation pour Paul François de se défendre avec des coûts importants que ça a généré. Et puis également des pressions différentes, c'est-à-dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des prises de contact auprès de Monsanto pour connaître finalement la composition du produit, parce que la composition du produit était cachée aux utilisateurs. Et la réponse apportée par Monsanto, c'est « on va vous indemniser un peu et puis vous taisez et ouais. vous ne faites pas de recours ». Voilà la réaction de Monsanto lorsque la famille de Paul François, alors qu'il est hospitalisé, s'interroge sur la composition du produit pour soigner Paul François. La seule réaction, c'est on peut pas vous donner la composition du produit, mais en revanche, on peut vous donner quelques monnaies pour que vous vous taisiez. Est-ce que c'est ce genre de bataille, la bataille du pot de terre contre le pot de fer? Oui, mais... Parce que c'est quand même l'impression que ça donne, même si on arrive à des résultats, la preuve, hein, vous êtes arrivé à des résultats, mais on connaît Monsanto, on connaît sa puissance, c'est la puissance de ses lobbies aussi à travers le monde. Oui, effectivement, ils ont fait appel à de nombreux consultants dans tous les domaines, mais nous pouvons nous organiser. Aujourd'hui, la société civile s'organise aussi, les associations de victimes s'organisent, et je crois que on essaye, peut-être avec succès dans certains cas, d'inverser le rapport de force, ou en tout cas d'équilibrer le rapport de force. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce dossier. Donc, avec une réponse judiciaire, là aussi, adaptée, et je crois qu'il faut faire également confiance dans l'indépendance de la justice en France, et en l'occurrence, nous avons obtenu gain de cause à la fois devant le tribunal et devant la cour d'appel. Alors, on y vient, justement. Devant la cour d'appel, vous obtenez gain de cause. Alors, de quoi est reconnu coupable Monsanto, de façon tout à fait officielle et judiciaire? En fait, Monsanto est reconnu coupable de ne pas avoir informé Paul François à la fois de la dangerosité du produit qu'il a utilisé, parce qu'il y avait la moitié du produit qui était composé de monochlorobenzène, hein, ce qu'il ne savait pas, c'est un produit particulièrement dangereux, et puis également un défaut d'information sur les mesures de protection à prendre, puisque on lui disait protégez-vous les yeux, mais absolument pas de prendre des masques pour éviter d'inhaler les vapeurs dangereuses, et malheureusement, eh bien, il a inhalé ces vapeurs dangereuses, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a des séquelles particulièrement importantes. Vous avez considéré que cette décision était historique au moment où elle a été prise? Vous êtes dit ça va faire jurisprudence, on a vraiment ouvert une brèche là maintenant? Ça fera jurisprudence si la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel. Cette année, d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est une décision à la fois exemplaire et historique, puisque tous les échos que nous avons eus de par le monde nous confirment qu'il s'agit de la première condamnation de Monsanto dans le monde. Alors, Paul François n'est pas votre seul client, hein. Vous défendez notamment Jean-Marie Dédion, on dit bien Dédion, oui. C'est ça, d'accord. Un autre agriculteur qui s'est attaqué à la multinationale Monsanto. Bon, on va l'écouter, c'est un extrait de l'émission d'Interception de France Inter. Je me sentais pas véritablement malade et d'un seul coup j'ai une fracture de l'humérus droit, une fracture spontanée. En vous hissant sur votre tracteur, hein, en montant sur mon tracteur. D'un seul coup, l'humérus s'est cassé. Alors là, par contre, des douleurs insupportables, insupportables. Les premières constatations étaient terribles parce qu'ils m'ont dit que j'avais pratiquement aucune chance de m'en sortir. Alors ils ont commencé les chimiothérapies, puis tous les traitements pour nettoyer, laver les reins, pour éviter donc l'intoxication, ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Et puis, greffe, c'était la seule solution. C'est des soins très longs. Ça a duré 8 ans, tout ça. Vous avez été l'un des premiers agriculteurs en France à vous porter en justice contre Monsanto. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Le déclic, c'est que j'ai trouvé scandaleux d'avoir fait croire aux agriculteurs que ces produits étaient sans danger, alors qu'ils connaissaient la dangerosité de leurs produits sur les bidons que j'ai utilisés, qui sont dans mes factures. Il était inscrit, étant donné la faible toxicité de ce produit, qu'une protection d'utilisateur est nécessaire. C'est extrêmement grave. Jean-Marie Dédion, que s'est-il passé pendant le procès le concernant? En fait, la difficulté qu'on rencontre dans le cas de Jean-Marie Dédion, c'est qu'il a été exposé de façon chronique. Donc, ce qui veut dire que pendant toutes ces années, il a utilisé des centaines de produits. Donc, nous avions la possibilité d'engager une action contre une cinquantaine de fabricants, dont la plupart n'existent plus, ou de viser le fabricant d'un produit qu'il a utilisé massivement, donc le Lasso. Il a utilisé d'autres produits qui contiennent le même principe actif, c'est-à-dire l'alachlore, et on a décidé donc d'engager cette action dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, le tribunal ne nous a pas suivis du fait de l'exposition à d'autres produits, finalement, et donc nous avons fait appel, donc nous nous retrouverons devant un cour d'appel pour nous expliquer à nouveau sur ce cas. Autre cas, Dominique Marchal, lui aussi débouté après 14 ans de procédure et de bataille. Alors, pas tout à fait, puisque nous avons obtenu gain de cause sur la reconnaissance de maladies professionnelles et sur l'attribution d'une rente par l'organisme de sécurité sociale. Donc il est indemnisé en partie. Et en revanche, pour ce qui concerne la procédure en indemnisation complémentaire qui est dirigée devant contre un fonds de garantie, finalement, la solidarité nationale qui jouerait, eh bien nous avons obtenu gain de cause devant le tribunal, devant la cour d'appel. Malheureusement, la cour de cassation a infirmé cette décision, puis la cour d'appel a considéré qu'il était difficile d'établir le lien de causalité entre les produits utilisés et la maladie contractée. Vous avez d'autres clients victimes des pesticides ? Oui, nous en suivons une soixantaine, je le disais tout à l'heure. On obtient gain de cause dans la plupart des dossiers aujourd'hui sur la reconnaissance du lien entre leur travail et leur maladie. Et sur l'évaluation des taux d'incapacité également. Donc on a plutôt des réponses judiciaires adaptées, je disais. Mais en revanche, pour ce qui concerne les procédures contre les fabricants, là c'est une difficulté que nous rencontrons, puisque le lobby des pesticides s'est bien organisé pour éviter qu'on puisse rechercher leur responsabilité. Il y a un changement de réflexion tout de même. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au sein des autorités compétentes? Alors, on va commencer par la mutuelle agricole, les syndicats agricoles, les ministères de l'agriculture, de la santé sur le sujet. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Vous en doutez? J'en doute un peu pour le moment. En tout cas, du côté des agriculteurs, oui, il y a une vraie prise de conscience et il y a une évolution des mentalités. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion qui est menée au sein du milieu agricole sur la tromperie organisée par les fabricants de pesticides. Et d'ailleurs, l'ONU a rendu un rapport hier qui est accablant pour les fabricants de pesticides. En revanche, pour les autorités publiques, alors je pense aux centres anti-poison qui n'ont absolument rien fait dans l'affaire de Paul François, qui n'ont pas fait les analyses de sang qu'il aurait fallu faire, et la MSA, voire les ministères, là il y a encore, ça doit encore évoluer pour que les victimes soient prises en charge véritablement par les autorités publiques. Est-ce que le fait que la France soit la première puissance agricole européenne explique que certains produits comme le Lasso étaient considérés dangereux dans un pays comme le Canada, par exemple, ou la Belgique, puisqu'on va rester en Europe, mais ils restaient disponibles en France jusqu'en 2007? Il y aurait un rapport particulier de la France avec l'agriculture? Certainement, parce qu'on peut pas se l'expliquer autrement. On peut pas s'expliquer que les dérivés arsenicaux étaient interdits au début des années 2000 dans la viticulture, alors qu'ils étaient interdits dans l'agriculture en général depuis plus de 30 ans. On peut pas s'expliquer certaines choses. Et effectivement, nous, on veut des réponses aux interrogations légitimes des agriculteurs. Pourquoi ce produit a été interdit seulement en 2007, alors qu'un échange de courrier entre la Belgique, le ministère de l'Agriculture belge et Monsanto prouve que Monsanto connaissait parfaitement la dangerosité du produit. Et je crois qu'il va falloir vraiment qu'on s'interroge sur la connaissance qu'avaient les fabricants des pesticides, de la dangerosité de leurs produits et pourquoi ils les ont laissés sur le marché. Aujourd'hui, l'Agence européenne des produits chimiques doit donner un avis sur une évaluation de la cancérogénicité du glyphosate, parce qu'on parle beaucoup du glyphosate, principe actif du célèbre Roundup. Est-ce que vous estimez que l'Europe nous protège et nous protège suffisamment et efficacement de ces produits, ou est-ce qu'elle joue un double jeu? Pas suffisamment. La preuve en est, c'est que nous avons déposé plainte contre les autorités européennes, ou en tout cas contre l'organisme d'homologation allemand, puisque les conditions dans lesquelles ce principe actif a été homologué suscitent de nombreuses interrogations, avec des études qui ont été écartées volontairement, manifestement, par ces organismes. Et donc, on veut là aussi des réponses à nos interrogations. Une plainte a été déposée, qui est instruite aujourd'hui à Lyon. Vous pensez qu'un jour un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides sera mis en place, qu'il fonctionnera, qu'on arrivera à ça, parce que c'est aussi quand même le but de toutes ces démarches? On l'appelle de nos voeux, mais il ne faut pas que ce soit à nouveau la solidarité nationale qui paye, mais les fabricants. Mmh. Ils sont bien responsables de ce drame sociétal qu'on rencontre aujourd'hui, et il faut qu'ils contribuent à la réparation des préjudices subis par les victimes de pesticides. Alors je note qu'au sein des agriculteurs, beaucoup de malades des pesticides sont toujours obligés d'utiliser ces produits, par manque de moyens ou manque d'aide pour faire la transition vers le biologique, par exemple. Ça, c'est un autre problème. Oui, effectivement. Alors moi, je ne suis que juriste, donc je ne pourrais pas me prononcer sur changement de paradigme. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations, je le constate, dans le milieu agricole et de changement de pratique, effectivement. Alors, en décembre dernier, l'État de Washington a porté plainte contre Monsanto. Cet État américain, donc, demande des dommages et intérêts liés à la production de polychlorobiphényle, les PCB, de 1935 à 1979. En octobre 2016, c'est à la haie, de façon symbolique, qui était jugé Monsanto. Vous pensez que aussi Monsanto sera un jour jugé pour écocide, on appelle l'écocide? Nous l'espérons également. Nous espérons que une vraie juridiction pénale internationale soit créée en matière de crimes d'environnement. Donc, on aspire à une évolution également de la prise en charge judiciaire de ce type de problème et à ce que les responsables de Monsanto viennent s'expliquer un jour devant les victimes au cours d'un grand procès pénal international. Et nous sommes à l'orée d'un scandale sanitaire de grande ampleur dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays du Sud, parce que on en parle, la preuve, on est en train de le faire en ce moment. Est-ce que ça va monter et être considéré comme un scandale sanitaire de grande ampleur comme d'autres? Il y a beaucoup de similitudes avec le drame sociétal de l'amiante, l'organisation de la désinformation avec le lobby de l'amiante et le lobby des pesticides, avec le nombre de victimes aussi qui est extrêmement important. Et donc on peut penser qu'effectivement on est à l'aube d'un nouveau drame important, un drame de santé publique important. Et il y a un point qui est difficile à comprendre. Certaines firmes industrielles commercialisent des produits dangereux, mais alors pas forcément pour l'agriculture. Ça peut être des médicaments notamment. Et vous avez une notice qui est longue comme le bras et qui donne tous les dangers potentiels et les précautions à prendre. Bon, ça n'empêche pas de vendre ces produits-là. Pourquoi les Monsanto, par exemple, n'a pas adopté cette méthode, qui est toute simple et qui apparemment ne nuit pas au chiffre d'affaires et à la vente? Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux organisés qu'à une certaine époque. C'est vrai que vous avez... passer la publicité pour le Roundup, l'idée c'était de montrer qu'il n'y avait aucun danger à utiliser les pesticides. Bon, aujourd'hui les fabricants sont plus prudents, mais j'aimerais ajouter un mot un salarié de l'industrie agroalimentaire qui est contaminé par des pesticides dans une entreprise, une coopérative agricole en Bretagne, et qui disait « j'ai été contaminé par ces pesticides » qui était produit par un fabricant, et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, ce qui me soignait, c'était un médicament qui était fabriqué par le même fabricant. C'est-à-dire que cette société intoxiquait d'un côté et soignait de l'autre, et il terminait en disant « mais ces gens ne feront jamais faillite ». Alors, on m'a confié un jour qu'un agriculteur, il y en a peut-être beaucoup, j'espère, écoutait Affaires Sensibles sur son tracteur, l'après-midi, bien écoutez, l'adresse de tous les agriculteurs qui nous écoutent, s'ils ne le savaient pas encore, il existe donc une association de défense des victimes des pesticides qui s'appelle Phytovictimes, c'est bien cela. Merci. Il me reste à vous remercier Maître Laforgue, François Laforgue, merci pour vos éclairages, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le scandale des pesticides, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'élection présidentielle en France de 1969. À suivre sur France Inter, Vincent Josse, c'est son heure, après la mienne, c'est la vôtre, Vincent. Salut Fabrice, salut. Journée des droits des femmes, écouterons les compositrices, on ne les écoute pas assez, les femmes compositrices, et elles sont nombreuses. Ah bien, on ne pourra plus le dire, grâce à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure.